Là-bas, la Spartacus est à la station Rome. Seul à s'amuser dans une ville d'esclaves. Seul à se venger dans un week-end sauvage. On fait la course avec Les voitures ambulances On roule sans assurance Ça n'a pas d'importance. On n'est pas dérangés pour la société. On passe à toute vitesse les moments de notre vie. Jacqueline, la jeune voleuse de sac dans les boîtes de nuit. Elle provoque les filles sur la piste de danse. Elle sourit aux garçons en buvant de la bière. Weekend sauvage. Weekend sauvage. Weekend sauvage.